Merci, Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Histoire lointaine fut-elle un Éden, cet âge d'or, paradis perdu, où hommes et femmes, pacifiques et sans contraintes, vivaient de la nature, insouciants de leur descendance, contraintes à la société de production, à l'émergence des élites et à un univers urbain. Certes, le point de vue est intéressant, mais était-ce pour autant la réalité ? Ainsi, quelles relations entretinrent les groupes humains avec notamment leurs voisins, les grands carnivores, chasseurs ou chassés ? Dans son chef-d'œuvre « Pourquoi j'ai mangé mon père », Roy Lewis nous offre une clé. Quelques tantes du héros sont, dans la plus grande indifférence, régulièrement kidnappées par l'effarant homotherium géant des cavernes. C'est une histoire de la sorte que nous allons aujourd'hui conter. Une histoire vieille de 500 000 ans que vient de découvrir Camille Dojard, Jean-Jacques Gublin. Bonjour. Bonjour. Camille Dojard, chargée de recherche au CNRS, vous êtes archéozoologue rattachée au Muséum National d'Histoire Naturelle. Paléoanthropologue, Jean-Jacques Hublin, vous êtes professeur au Collège de France et directeur du département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck à Leipzig, fameux institut de recherche centré sur la paléogénétique des fossiles anciens. Nous y reviendrons. Vous venez de publier, avec 5 autres auteurs, un article dans la revue internationale PLOS ONE. Ce n'est pas dans les grandes plaines kenyanes de Roy Lewis que débute cette histoire ancienne, mais au Maroc, Camille Dojard ? Oui, tout à fait, c'est dans le sud de Casablanca, en fait, qu'on a découvert ce fémur dans une des nombreuses carrières du sud de la ville. Comment se présente ce gisement ? C'est une sorte de falaise jaune et ocre aux environs de Casablanca, et elle est exploitée depuis de nombreuses années ? En fait, c'est une très grande carrière et c'est à l'occasion de la construction du port en fait de Casablanca au début du XXe siècle qu'ont été ouvertes ces grandes carrières et qui ont permis de découvrir de nombreux sites archéologiques et paléontologiques. Et l'un de ces sites, donc la carrière Thomas où a été découvert le fémur, a fait l'objet en fait en 1969 d'une première découverte d'une mandibule humaine déjà, d'où le nom de la grotte à hominidés. C'est un endroit assez beau cette falaise. Oui. Moi, je trouve, c'est très poétique et ça reste encore assez sauvage en plein Casablanca. Malgré le fait que l'habitat où aurait vécu cet homme très très ancien aurait été pour partie détruit. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est des carrières, donc c'est des fronts de carrières et qui ont tapé dans d'anciennes grottes. Et là, pour le coup, dans la grotte hominidée, on est dans le fond de cette grotte en fait. Il y a toute une partie qui a été aujourd'hui détruite entièrement. On ne trouvera plus rien donc. On ne trouvera pas l'entrée de la grotte aujourd'hui et peut-être plus d'activités humaines, par exemple. On trouve maintenant seulement ce fond de grotte. Camille Dojard, vous me dites que c'est pour le port de Casablanca qu'on est sur une falaise. Donc, on est en bord de mer, on est en zone littorale. Rien d'étonnant à ce qu'il y ait pu y avoir un phoque, par exemple, dans la grotte ? Ah oui, tout à fait. Très juste. C'est un cas très rare. Oui, c'est vrai. Et il n'y en a pas beaucoup, des restes de phoques dans cette grotte. Il y en a quelques-uns. C'est mon collègue Denis Gérard, paléontologue, qui les avait déterminés. Et il y a des dents, notamment. Et par contre, je n'ai aucune trace pour l'instant d'exploitation de ce phoque. Il est peut-être arrivé là par charognage, par les carnivores ou autre. On n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est très près, effectivement, du rivage actuel, cette carrière. Contrairement au Tchad, Kenya, Éthiopie ou Afrique du Sud, on parle peu du Maroc pour les hominidés anciens. Et pourtant, les fossiles sont très présents, Jean-Jacques Hublin ? Oui, en fait, le Maroc, c'est un petit paradis paléontologique, en tout cas du point de vue de la paléoanthropologie, pas seulement d'ailleurs. Il faut bien comprendre que les conditions géologiques sur le littoral atlantique dans la région de Casablanca, de Rabat, sont des conditions très très particulières. On a une succession de systèmes, de lignes de rivage, de cordons dunaires, de creusements, de grottes qui ont été enregistrées déplacés progressivement vers l'intérieur des terres au fil de l'éloignement de la ligne côtière en raison de mouvements tectoniques, de mouvements aussi de l'océan. Et donc, en fait, on a des conditions un petit peu comme en Afrique de l'Est, c'est-à-dire des dépôts qui peuvent être très, très conséquents pour cette période du Pléistocène qui nous intéresse pour l'évolution humaine. Et en fait, beaucoup de restes humains Pléistocènes ont été découverts au Maroc. C'est vrai qu'ils sont peu présents dans la littérature, mais à l'échelle de l'Afrique, je pense que le nord-ouest de l'Afrique... C'est un point chaud, sans discussion. Et pourquoi ce terrain fossilifère, justement, a-t-il été délaissé par les chercheurs ? Alors, c'est compliqué. Course à l'ancien, peut-être, non ? Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il y a relativement peu de gens qui ont étudié ces restes humains. Les auteurs anglo-saxons, qui sont très, très présents dans la littérature scientifique, ben, tout naturellement, ils sont allés... vers les zones anglophones, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. Donc il y a une surreprésentation de ces régions dans la littérature, pas seulement à cause de leur richesse en fossiles, qui est indéniable, hein, mais aussi parce qu'il y a un biais. Vous savez, cet effet qu'on appelle l'effet du lampadaire, hein, c'est-à-dire l'ivrogne qui cherche ses clés sous un lampadaire, et on lui demande la nuit, on lui demande pourquoi tu cherches tes clés là, et il dit c'est parce qu'il y a de la lumière. Donc on a des zones comme ça où il y a une possibilité d'accès au gisement, y compris les conditions politiques d'ailleurs, mais qui du coup donne une image complètement biaisée de la présence humaine dans le passé et de l'évolution de ces hommes. On connaît déjà de nombreux fossiles donc dans ce Maroc ou dans ce Maghreb. Hormis le Tchad, bien sûr, avec Toumaï. En Afrique du Nord, en Afrique du Nord en général, le Maroc, le quart nord-ouest du Maghreb, c'est vraiment la région la plus riche. Hein, et on a des gisements qui s'échelonnent, en gros, sur le dernier million d'années, qui documentent à la fois des Homo erectus tardifs et des hominidés à plus grand cerveau qui viennent ensuite, et puis des formes qui sont à l'origine de notre propre espèce et qu'on a découvertes dans d'autres régions du Maroc. Donc c'est quand même un patrimoine paléontologique assez remarquable. Camille Dejard, c'est aussi un beau terrain pour vous qui travaillez essentiellement en France sur les mêmes périodes ? Ah oui, tout à fait. C'est un très beau terrain et j'ai eu la chance en fait d'intégrer cette équipe franco-marocaine. En fait, c'est une équipe franco-marocaine qui date depuis 1978, je crois, depuis longtemps. Et c'est seulement en 2008 que j'ai intégré cette équipe, qui est en fait une collaboration entre l'Institut national des sciences archéologiques et du patrimoine du Maroc et le ministère des Affaires étrangères français. Et qui continue encore aujourd'hui. Et quand j'ai pu intégrer cette équipe, c'était un monde tout à fait différent de ce que j'avais l'habitude. Moi, je travaillais sur des Néandertaliens dans le sud-est de la France. Et je suis arrivée au Maroc, il y avait une autre faune, d'autres problématiques, d'autres hommes, notre culture. Donc c'était un monde nouveau, mais absolument passionnant. C'est surtout beaucoup plus vieux. On en serait à 500 000 ans. 500 000 ans, voire plus, tout à fait, ouais. C'est plus vieux. Il y a pas, effectivement, ces hommes-là, par exemple, n'ont pas encore les techniques d'allumage du feu. Donc on est dans un autre monde. Qu'est-ce que cherchent les archéologues ou les anthropologues ? L'homme, des fossiles essentiellement, ou des fossiles humains, ou des fossiles de faune, ou les deux réunis ? Non, ce qu'on cherche en fouillant, c'est surtout de comprendre les comportements humains et de mieux connaître ces hommes-là. Et on a la chance ou pas de trouver quelquefois des fossiles humains, mais c'est pas la quête du fossile humain, loin de là. On s'intéresse aussi au paléo-environnement. On est une équipe pluridisciplinaire à dater ces sites. Il y a toute une problématique de recherche de façon générale sur ces hommes anciens, en fait, qu'on connaît assez mal pour cette période, cette région-là d'Afrique. C'est la culture de l'Acheuléen, mais il y a assez petite finalement par rapport à d'autres régions du monde. Plusieurs vestiges d'hominidés sont présents dans la grotte, et même un enfant. Oui, il y a un enfant très très jeune qui a été, enfin un enfant très très jeune, un fragment de mandibule d'un enfant très très jeune qui a été découvert. Il faut bien comprendre que ces restes donc de la carrière Thomas, de cette grotte des hominidés à la carrière Thomas, s'inscrit dans une série de découvertes, en fait, qui concernent plusieurs carrières de la région de Casablanca, voire au-delà, et donc qui couvre toute une période de temps. Et Camille parlait de cette mission franco-marocaine, et je pense qu'il faut qu'on cite le nom de Jean-Paul Reynal, qui a pendant de très longues années mener ces campagnes de fouilles de façon incroyablement courageuse et avec beaucoup de persévérance. Et dans le fond, ce projet, il prend la suite de recherches plus anciennes. Je pense à des gens comme Biberson, des gens comme ça. Et donc il y a une sorte de vraie tradition française. Oui, et on a découvert des restes humains qui ont été découverts dans des carrières qui ont des noms assez poétiques d'ailleurs. Sidi Abderrahman en particulier, les carrières Thomas, d'autres. Vers Rabat aussi, vers Salé, on a découvert des restes. Et voilà, on a à travers tous ces sites à la fois une documentation paléontologique, des informations sur en gros à quoi ressemblaient ces êtres humains, mais surtout un enregistrement des paléo-environnements et puis des comportements qu'on aimerait comprendre. Nous voici probablement devant un Homo rhodesiensis, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est qui ce personnage ? Alors, on a beaucoup d'espèces d'hominines, et pour ne pas s'y perdre, il faut saisir un point de repère, qui est un point de repère aux environs de 1,2 ou 3 millions d'années. Et ce point de repère, c'est le moment où, pour la première fois dans l'évolution humaine, il y a une espèce humaine, ça va arriver encore, c'est arrivé même récemment, il y a une espèce humaine qui a remplacé toutes les autres. Et donc, cette espèce, c'est Homo erectus, qui est apparu en Afrique, qui s'est répandu partout en Afrique, ou presque partout, et puis qui est sorti d'Afrique surtout. Et cette espèce, elle va, dans différentes régions du monde, elle va se diversifier. Et donc, en Afrique, on a, au fil des millénaires, une évolution qui va donner naissance à ce groupe qu'on appelle Homo rhodesiensis. Pour dire les choses simplement, c'est un Homo erectus avec un cerveau beaucoup plus évolué, beaucoup plus grand, qui a des caractères plus modernes, mais qui a gardé une grande robustesse, un système masticateur très très puissant. Et ce groupe nous intéresse beaucoup parce qu'on pense que c'est le groupe qui est d'abord à l'origine de notre propre espèce, Homo sapiens, qui va venir plus tard, disons autour de 300 000, peut-être un peu plus. Et puis aussi, probablement, qui est l'ancêtre bien des Néandertaliens en Europe, des Denisoviens en Asie. Donc il y a peut-être, pendant le Pléistocène moyen, une seconde grande dispersion de ces hominines à grand cerveau qui, en Europe, en Asie, en Afrique, va donner naissance à plusieurs groupes humains. Ils descendraient d'Homo antécesseurs, c'est bien ça ? Alors, Homo antécesseur, c'est une espèce qui est très très discutée. Personnellement, je vois Homo antécesseur comme une espèce de variété d'Homo erectus européen. Cet Homo erectus, je vous ai dit, qui est sorti d'Afrique, qui s'est répandu un peu partout. Malheureusement, on connaît ses restes seulement dans quelques régions du monde où on a une fenêtre, si je peux dire, à la fois dans le temps et dans l'espace, où on voit à quoi il ressemblait. Mais probablement qu'il s'est diversifié beaucoup plus qu'on imagine, beaucoup plus que ne se sont diversifiés les hommes modernes qui eux aussi sont répandus sur toute la planète. Pensez par exemple à l'homme de Flores, vous savez, ce petit hobbit dont on parle beaucoup. Eh bien, voilà, c'est un descendant de cet Homo erectus, là-bas, à l'autre bout du monde, dans des îles un peu perdues, où il a été soumis à des conditions très très particulières et il a donné naissance à quelque chose de très différents. Et voilà, je soupçonne que dans beaucoup de régions du monde, on a des processus évolutifs comme ça, un peu particuliers. J'ai tendance à penser qu'Homo antécesseur, c'est une forme européenne, un peu plus petite, en taille, avec des caractères un peu particuliers. Un peu comme aujourd'hui, on a des pygmées qui vivent dans la forêt d'Afrique centrale, des Esquimaux qui vivent au Groenland et des aborigènes australiens en Australie. Et cette diversification des hommes modernes, c'est quelque chose qui s'est mis en place en quelques dizaines de milliers d'années. Donc il faut bien imaginer que pour Homo erectus, on ne parle pas de quelques dizaines de milliers d'années, mais de quelques centaines de milliers d'années, donc des divergences morphologiques beaucoup plus grandes, avec des adaptations à des conditions locales. Je reviens donc sur ce fossile marocain. Vous me dites, Jean-Jacques Hublin, qu'il serait l'ancêtre commun d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de nous-mêmes, mais aussi de Néandertal. D'après votre laboratoire, la séparation entre ces deux espèces ou sous-espèces aurait eu lieu vers 765 000 ans? Oui, alors on a une... Et ça par la génétique, bien sûr. Oui, alors les généticiens, ils ont beaucoup changé d'avis là-dessus. Évidemment, ils pensent qu'ils sont beaucoup plus malins que les paléontologues. Mais on a une fenêtre de temps hein, qui est en gros entre, disons, 750 000 et 550 000, quelque chose comme ça. Et on pense que c'est dans cette fenêtre de temps que s'est produite cette séparation entre une lignée africaine qui va donner naissance un jour aux hommes modernes, qui peuple toute la planète, et puis une lignée eurasiatique qui va donner les Néandertaliens et les Denisoviens. Donc avec les hommes de la carrière Thomas, en fait, on est très, très près de ce point de divergence. On est juste avant, juste après. Même si on est juste après, même si on est déjà sur la branche africaine qui va donner l'Homo sapiens, eh bien, on n'est pas très loin hein, dans cette direction-là. Et donc on est sur le plan... anatomique, on est certainement très très proche des formes ancestrales qui vivaient 50 ou 100 000 ans juste avant. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jean-Jacques Hublin, peut-on penser réaliser des études paléogénétiques sur ce fossile ou est-ce trop vieux? Alors on peut penser, mais spécifiquement sur celui-là, ça n'a pas marché. Et pourquoi? Parce que en fait, on a un aspect d'âge, mais aussi un aspect de conditions de milieu, en particulier de température, qui est très important pour, dans le fond, permettre la conservation de l'ADN ancien. Alors on a en tout cas un exemple en Espagne où on a pu extraire de l'ADN ancien d'une pièce qui est à peu près aussi ancienne, à peine moins. À Tapuerca, voilà. À 400 000 ans? À 430 000 ans, oui, à Cima de los Huesos, mais dans des conditions quand même un peu spéciales, hein, dans la profondeur d'un karst, avec des températures très très constantes. Donc pour l'Afrique, ça reste un grand challenge. Camille Dejar, de fait, votre mini-idée de la grotte de Casablanca n'est pas un homme, c'est un unique fémur. Ce n'est pas un homme... C'est un bout de fémur. Ah oui, on a quelques morceaux. Il a été trouvé comment? Et il a été découvert dans les années 1994. Mais seulement, en fait, vous avez vu à quoi ça ressemble, c'est un petit morceau d'une diaphyse fémorale, donc un petit fragment difficilement déterminable. À l'époque, il avait dû être placé avec la faune, la grande faune, et c'est notre collègue Denis Gérard, en reprenant l'analyse de cette faune, qu'il a redécouvert, en fait, entre guillemets, et qui a pu le déterminer là, tout récemment, il y a 2 ans, comme étant de l'homme. Justement. Ce genre de redécouverte, c'est une chose assez fréquente, visiblement, dans l'étude paléontologique. On retire une caisse et on retrouve, je pense bien sûr à Littlefoot, cet australopithèque, mais il y en a quantité au Kenya. On revient au matériel et on retrouve d'un seul coup un individu. Bien sûr. Il faut bien se rendre compte que beaucoup de découvertes de fossiles humains sont des découvertes fortuites. Et donc, un ouvrier qui travaille dans une carrière, il va reconnaître un crâne humain. Il ne va pas forcément reconnaître un fragment de fémur ou un fragment d'humérus humain. Et c'est vrai aussi, d'une certaine façon, j'allais dire, pour les archéologues, dans le feu de l'action des fouilles, il y a de nombreux fragments, mais alors des petits fragments osseux qui sont recueillis avec la faune et qui, quand on les revisite par des moyens parfois moléculaires et parfois par des moyens purement anatomiques, se révèlent être humains. Camille Dejar, l'os de la grotte de Casablanca présente des marques. C'est d'ailleurs tout l'objet de votre article dans PLOS ONE. Oui, tout à fait. En fait, cet os présente à ses deux extrémités de nombreuses traces de dents. C'est des petits enfoncements, en fait, et des empreintes de sillons de ses dents. Et tout le travail, en fait, toute l'enquête, c'était de savoir le coupable, qui est-ce qui l'avait consommé. Et peut-être savoir qu'est-ce qui lui était arrivé à cet homme-là. Mais ça, c'est très compliqué. On sait qu'il y a eu consommation. Et les mesures de ses dents, les dimensions de ses dents, en comparant avec d'autres traces de dents de carnivores actuels, par exemple, nous permettent de dire qu'il s'agit d'un grand carnivore. et plus précisément peut-être de l'hyène, puisque en fait, parmi les espèces présentes dans la grotte, il y a deux espèces de hyènes. Donc voilà, c'était tout le challenge. Alors comment avez-vous mené l'enquête ? Vous avez regardé un peu les marques, et puis ensuite vous avez été chercher les dents ? Alors, pour mener l'enquête, en fait, j'ai pris les mesures de ces dents, tout simplement. Je les ai comparées avec des mesures d'autres dents. Et une fois qu'on savait que ça pouvait être l'hyène qui l'avait consommé, l'autre question, bien sûr, c'était est-ce qu'il avait été chassé ou est-ce qu'il avait été charogné, cet homme-là ? Et ça, c'est malheureusement une question qui est très difficile à mettre en évidence, en fait, pour nos disciplines, pour ces périodes-là. Il y a très peu de cas où on est sûr qu'il y ait prédation par les carnivores chez les hominines. Et les marques sont réellement bien visibles ? Elles s'enfoncent dans l'os ? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. On voit même des enfoncements, des encoches même. En fait, le carnivore qui a mangé ce fémur, il a consommé toutes les deux portions articulaires, en fait, proximales et distales de l'os, parce que c'est les portions les plus fragiles. Donc, il commence par là. Et en fait, son souhait, c'était de récupérer la moelle qui était à l'intérieur. Donc, il a lapé, il a essayé d'écraser, de mâchonner ses deux extrémités pour récupérer. Et même, la plupart du temps, certains os sont encore plus en fait fragmentés. Celui-ci, il a dû peut-être qu'il s'est fait déranger à un moment donné. Ça s'est arrêté. Et la diaphyse est pas presque complète, mais elle est assez complète par rapport à d'autres cas, par exemple de Néandertaliens en Europe qui ont été dévorés par des hyènes et où là on retrouve même beaucoup moins de morceaux de diaphyse. Et est-ce que les autres os trouvés dans la grotte ont-ils été aussi croqués ? Bah oui, tout à fait, justement. Ils sont tous croqués ? Ah, il y en a beaucoup. C'était ça, justement, mon métier, en fait, c'est de faire cette enquête, de savoir ce qui s'est passé sur les ossements de façon générale, que ce soit animaux ou humains. Et effectivement, dans la carrière Thomas, donc dans cette grotte hominidée, la faune m'avait déjà montré qu'il s'agissait très probablement d'un repère de carnivore. Parce que beaucoup de restes, en fait, portent des traces de carnivore. Et voilà, c'était peut-être pas étonnant, finalement, que l'homme également. Les fossiles de la sorte sont encore très rares. Au Pléistocène ancien, il y a 500 000 ans, on en trouve assez peu qui ont été croqués. Alors, il y en a assez peu pour les périodes très anciennes, mais il y a quelques cas assez connus pour l'Afrique, par exemple. Il y a ce cas d'un Australopithèque en Afrique du Sud qui porte ces deux marques de canines, dont l'écartement est la même que celle d'un léopard. Donc l'hypothèse, c'était que justement, là, on aurait un cas de prédation. C'est très rare. Et la plupart, en fait, il s'agit seulement de marques de consommation. Il y a aussi, par exemple, un cas à Olduvai, en Afrique de l'Est, où on a des restes d'Homo habilis avec des traces de consommation par des crocodiles. Donc il y a des choses assez impressionnantes. Les cas de morsures par des carnivores sont assez fréquents. Même en Europe, il y a plusieurs cas. Et encore plus avec les Néandertaliens. Peut-être tout simplement parce qu'on a beaucoup de restes des Néandertaliens, on les connaît bien. Et les cas de Néandertaliens qui se sont fait croquer par des hyènes sont assez fréquents. Mais voilà, ce qui est rare, en fait, c'est les exemples d'une vraie interaction, d'une vraie confrontation. Alors moi, il y a des années, j'ai souvenir d'avoir visité la grotte de Rochelot en Charente, qui était à l'époque fouillée par Jean-Michel Tournepiste, une sorte de tanière, mieux une sorte de pouponnière de hyènes avec les petits morts sur les côtés. Et puis, là-dedans, un petit bout de Néandertal. Visiblement, l'animal avait été rentré avec un bout d'individu dans son boyau, quoi. Oui, c'est très probable. Alors, est-ce qu'il s'était fait prédater ou est-ce qu'il a été récupéré ? Les hyènes sont des charognards, mais elles peuvent être également des très très bonnes chasseuses. Donc, c'est aussi possible qu'il y ait une prédation de ces hommes de Néandertal. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de grottes en Europe de l'Ouest néandertaliennes, où il y a des Néandertaliens. Il y a une présence en alternance des grands carnivores comme l'hyène. Donc, les sites ont servi à la fois de repères d'hyènes très fréquemment et à la fois d'occupation par les hommes. Mais on retrouve pas seulement en fait des traces de consommation sur les Néandertaliens par les carnivores, mais aussi l'inverse. Il y a quelques exemples en fait de restes de carnivores qui ont été consommés ou alors même utilisés comme outils par les Néandertaliens et même par leurs prédécesseurs. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Nous voici au cœur donc bien sûr de la relation homme-animal. Votre grotte est-elle réellement un habitat de hyènes ou un habitat humain ou les deux ? Est-ce que vous arrivez dans cette fameuse unité 4, puisque c'est celle-là, à discerner des passages ? Ou est-ce que c'est essentiellement animal ? C'est assez étrange. Quand j'ai commencé à travailler sur la grotte à hominidés, on travaillait donc dans une équipe pluridisciplinaire. Il y avait ma collègue liticienne, mes deux collègues liticiens, Abderrahim Moïb et Rosalia Galotti, qui avaient étudié les outils lithiques de cette grotte. Donc il y a une présence humaine. Et je m'attendais à trouver des stries de boucherie, par exemple, sur les restes d'animaux de cette grotte. Et au fur et à mesure de l'avancée de mes recherches, je me suis confrontée en fait à cette absence et au contraire à la présence très importante de traces de dents de carnivores, mais également de traces de dents de porc-épic, parce qu'il y a ce gros rongeur aussi qui a laissé beaucoup de marques dans ces grottes. Donc, petit à petit, en fait, en croisant toutes nos données à tous, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la grotte hominidée, c'est un repère de carnivores, mais pas seulement de l'hyène. Il y a beaucoup d'autres carnivores, en fait. Et qui sont ces grands prédateurs ? Alors, il y a toute une liste. Il y a un grand félin, qui est du genre Panthera, qui est une sorte de grosse panthère. Il y a deux types d'hyènes. L'hyène tachetée, Crocuta, et l'hyène rayée, Hyena. Donc deux types d'hyènes, il y a beaucoup de canidés. Et dont un tout petit canidé, donc un chacal du type africain, du type du chacal africain, assez petit de taille, mais qui est très présent, et qui lui aussi a dû se servir de cette grotte comme tanière. Il y a aussi de l'ours. Il y a aussi, vous parliez tout à l'heure du phoque. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Peut-être enfin, le phoque, que c'est pas très dangereux. Non, mais c'est partie des carnivores. Et un petit chat sauvage, pas très dangereux non plus. Mais ils sont tous présents. En tout cas, la compétition entre hommes et carnivores était-elle très forte à l'époque ? C'est-à-dire que dès que les hommes ont commencé à devenir des singes prédateurs, eh bien, ils sont automatiquement, si je peux dire, tombés dans la... dans la concurrence avec d'autres espèces qui se nourrissaient de la même façon. Et donc, il y a une relation assez complexe, des interactions complexes entre grands carnivores et hommes, dès le passage à une alimentation carnée très riche. Alors, ce qu'on voit, c'est des interactions assez compliquées, parce qu'il y a à la fois de la concurrence, mais il y a aussi parfois de la complémentarité, hein. Surtout au début, les hommes charognent de temps en temps, donc ils peuvent tirer profit d'une proie tuée par un autre carnivore, en chassant ce carnivore, ou en récupérant certaines parties de la proie. C'est quelque chose qui est connu d'ailleurs chez des chasseurs-cueilleurs récents, hein, même des hommes modernes en Afrique, il n'y a pas très longtemps, continuaient à faire ça, hein, chasser le lion pour récupérer le zèbre. Et puis, bien sûr, il y a aussi une espèce de pression démographique qui, dans les deux sens, c'est-à-dire que on a, avec le développement du genre homo en Afrique de l'Est, on voit un déclin de la variété des grands carnivores, donc des espèces qui disparaissent. Et puis inversement, il y a des régions du monde, en Europe par exemple, où on voit persister beaucoup plus longtemps, par exemple ces félins à canines en lame de sabre, on en connaît jusqu'à il y a 300 000 ans. Hein. Et donc là, c'est probablement parce que bien les carnivores, si je peux dire, résistent beaucoup mieux à la pression humaine, et peut-être qu'il y a une présence humaine qui est beaucoup moins nombreuse. Donc c'est très intéressant parce que à travers l'étude des faunes de carnivores et de leur variété, des extinctions en particulier, au cours du temps, eh bien, on a une information indirecte sur les processus de peuplement humain dans différentes régions et dans différents environnements. Il y a une sorte de commensalité entre ces grands prédateurs, d'un côté l'homme, de l'autre côté les grands carnassiers. C'est-à-dire que d'abord, ils partagent les mêmes environnements. Occasionnellement, comme on l'a dit, ils partagent les mêmes habitats. Donc, il faut bien voir ce que c'est, une grotte où il y a de temps en temps des hyènes, de temps en temps des hommes. Et puis, ils travaillent un peu ensemble aussi. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des surtout pour les très grosses proies, eh bien, on trouve très souvent à la fois des traces d'activité humaine et des traces d'activité des carnivores sur les mêmes ossements. Une dernière question. En conclusion, l'homme n'est-il pas encore une bête? Une bête carnivore? Un prédateur charognard? Une proie charogne? Je sais pas, non. Non, parce que je pense que même s'ils partageaient la même... c'est la guilde, on parle de guilde carnivore au niveau de l'alimentation, bien sûr, mais l'homme a aussi une alimentation beaucoup plus variée. Et puis les aspects techniques, culturels, ont peu à peu pris le dessus. Merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jason Taous, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se lance dans une autre aventure, le sexe et l'archéologie.